La micaouette me fait la tête. Cacahuète, la petite Noé veut plus me parler. Canoë, la micao, ma micao. Cacao, la petite Ramel m'est infidèle. Hannibal me mine le moral. Caliban, mamselle le son long me traite de con. C'est la tête. Cacahuète, mamselle Gibi me traite d'abruti. Cacahuète, la mi-couchou me jette des cailloux. Cacahuète, mamselle Binet, c'est de Binet. Cacahuète, le petit Mambert me jette des pierres. C'est la marre de moi en amarre. Non. C'est les ados, hein. C'est les ados, oui. Puis on dit quoi? À vous. Bonjour. À vous. Voilà, Zinedine. Alors, comment ça va? Bien, bien. Bien, bien, bien. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes contents hein, de retrouver les auditeurs. Coco. Ça fait quelques semaines qu'on n'est pas venu. Ouais, il n'y a pas là. Il y a eu les vacances. Ouais. Il n'y a pas là. Il y avait Halloween. Ah voilà. Non. Et ça, on en avait parlé avant notre départ. Ouais, il n'y a pas là. Il n'y a voilà. pas là. Donc, on va peut-être faire le tour. Qui est là aujourd'hui avec moi? Juliana, bonjour à tous. Christopher, toujours là. Toujours fidèle au poste. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Steven, toujours à la rescousse. Et là, Didi. Je m'appelle Timothée, bonjour. Voilà, là, Didi. Ouais, Zinedine. Et en technique. Bonjour, je m'appelle Camille. Oui, tu es avec qui, Camille? Marc. Eh bien, bonjour à Marc. Bonjour, Marc. Ah, bonjour, on Marc. Retrouver Marc aussi, vous êtes oui, content. Oui, hein. Marc. Ah, tu nous as manqué. Ah bah c'est oui. bien de le dire. Tu nous as manqué, Marc. Ah oui, oui. Bah, pour les auditeurs, je rappelle que oui, ça faisait 3 ou 4 semaines que oui, vous étiez pas ah là. Oui, oui, oui. Ah oui, on était surbookés. Vous avez tous les jours les auditeurs. Oui. Ah, ah oui, alors encore. Bon, Zinedine, on va s'écouter. Alors, nous avons préparé lundi. De quoi on a parlé? L'amour. L'amour. L'amour. On a parlé de quoi aussi? Bisous. Halloween. Non, Halloween. Et puis? Les sens qui augmentent. Les quoi? Les sens qui augmentent. Oui. Et puis, il y avait quoi? Les vacances. Oh. Halloween. Les vacances. Bon, y a beaucoup de choses. Puis il y a aussi votre séjour au refuge du Sauterait, sur les crêtes. Ah, je ne sais pas si on arrivera à parler de tout. C'est hein, beau bon, ça Eh bien, on va quand même dire quelle était la chanson mystère la dernière fois. C'était qui la dernière fois? Moi. C'était toi? Je sais pas. C'était toi qui chantais la dernière fois? Oui. La chanson mystère. Mandarde. Alors, c'était Emmanuel Moir. Essentiel, vous vous rappelez? Oui. Alors aujourd'hui, ben, bouche cousue, on ne dit rien et on demande à Marc de la lancer. Let me see you dance, babe. See you dance, baby. Come on. Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila boom boom. Sei cosa sexy, cosa sexy thing. Voilà, et eh bien on espère que quelqu'un a trouvé cette fameuse chanson. Allez Marion. Et qui appelle à la radio au 03 29 62 40 40 40. Bien, merci Juliana. Voilà, donc alors on va commencer avec le premier sujet. Alors déjà on va se calmer, hein, essayer de se tenir, hein. Alors, et puis surtout parler chacun son tour. D'accord. Cette dernière, il avait dit de l'amour, c'est belle, il avait dit. Voilà, parce qu'à la fin de la dernière émission qu'on a fait il y a quelques semaines, Zinedine, il avait dit à la fin, l'amour, c'est belle. Eh bien, j'ai dit, la prochaine fois, on redémarrera avec ça, pour voir ce que vous avez à dire. Zinedine, alors je ne veux pas entendre, mais... Hein, non, ça, c'est pas une réponse. Hein. D'accord. Oui. Et s'il y avait une caméra, vous verrez la tête de Zinedine. Donc, parle lundi, hein, on a commencé avec ça. Et puis je vous ai dit, bah tiens, parlons d'amour. Amour. Alors, je vous ai demandé, bah, première question, et vous avez répondu chacun à votre tour. C'est comment l'amour? C'est bien. Et, non, j'ai dit pas tous en même temps. Alors vous allez faire chacun à votre tour. Christopher, tu as répondu quoi? Amour, c'est bien, c'est joli. Et Juliana? Oh là là. C'est quoi? Oh là là. Attends. Ah, elle réfléchit. Steven. C'est des câlins. C'est des câlins, ok. Timothée. C'est des dessins. Non, c'est pas ce que tu as dit. Ah. Oui. C'est... Oh, j'aimerais bien qu'il se rappelle. Bien. T'as dit c'est trop bien, toi. C'est trop bien. Voilà. Zinedine, tu as dit c'est quoi? C'est trop bien. Tu as dit quoi, toi? Les bons moments. Non, avec tu parles devant le micro, Timothée, c'est bon? Et c'est pas un mot. Tu as dit que c'était comment, toi? Bon. Bien? Oui. Donc c'est plus ben? Non. Ah, ok. Camille, tu as dit quoi? C'était bien. Camille, oui. Et puis, Juliana? J'ai dit c'était trop top. Trop top? Toi, tu as dit que c'était merveilleux. Ouais. Toi, ça changeait des autres parce que oui, ça a été bien. Et puis, toi, c'était merveilleux. C'est hein. Quoi, moi? Après, deuxième question que je vous ai posée. Que fait-on on est amoureux? On donne un cadeau. On peut faire un cadeau. Et toi, tu as dit quoi, Christopher? On fait des cadeaux, on se fait un bouquet de fleurs, du chocolat. On se fait des bisous. On se donne des rendez-vous. Voilà. On peut s'envoyer des cartes, tu as dit aussi. Oui, tiens. Des cartes postales. Voilà, alors c'est bon. Steven, tu as dit quoi, toi? Sur quoi? Ah, je sais plus. Toi, tu avais dit les câlins. Les câlins, c'est bon. Voilà, c'est et Timothée, bien. Tu as dit ce que tu avais dit juste avant. Tu avais dit, on s'envoie des... Dessin. Voilà. Et Zinedine, tu as dit quoi? Des dessins d'amour, hein, je parle. Ah oui, ah bah oui, oui, c'est sûr. C'est quoi les dessins d'amour? Non. Bah, c'est qu'on fait un cœur avec un petit mot. Avec un petit mot, oui. La délai, hein, Timothée, hein. Et Zinedine, alors? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi, quand t'es amoureux? Voilà. Tu t'en fous. Non, c'est pas ce que tu as dit lundi. Ouais. Des? Fofos. Des quoi? Dofos. Tu as dit que tu faisais des... Bisous. Bisous. Des bisous. Et puis Camille, tu as dit? Camille. C'est quoi? On peut envoyer des cartes? Ouais, je t'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, on a fait le tour. Et puis alors, la dernière question, c'était, ben, comment on sent quand on est amoureux? La question d'avant, c'est que fait-on? Et la question là, c'est comment on se sent? On est heureux. Alors Juliana, elle a dit, toi tu avais dit on est très très content. Ouais. Voilà, Steven. Comment on se sent? Ouais. Tu peux réfléchir, Steven. Timothée, on se sent comment? Bien. À l'aise? Bien. Bien, et tu avais dit autre chose? Je sais plus. Heureux. Oui, heureux. Toi, tu dis à l'aise, Steven? Oui, à l'aise. Oui, ok. À et bien. Zinedine, tu dis quoi? Est-ce que tu as déjà été amoureux, Zinedine? Non. Ah, bah voilà, c'est pour ça que c'est difficile de dire, hein? Bah oui. Mais des amours de fille? Aïe. T'as jamais été amoureux? Mais des cartes. Oui, tu dis non, c'est bien. Hein? Tu as des pires boupous. Oui, oui, oui, oui. Alors, Camille. Oh. Elle pense à quelqu'un. Oui. Tu as dit quoi, Camille? Comment on se sent quand on est amoureux? Beaucoup bien. Beaucoup bien. Et Christopher, il avait dit aussi détendu. Ouais. Hein? Puis envie d'embrasser. Ah, oui. Voilà, tu avais dit ça. D'abord, tu invites la fille à boire un verre. Ah oui, toi, il y a tout un cheminement. Oui, la fille. Non. Non, Juliana, s'il Pardon. Te plaît. Là, après, c'est danser avec... Okay. Après les bisous. Voilà, bon là on a fait le tour. Hein. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Non. Ah, ça reste encore bien tabou. Hein, hein? Pourtant des ados. Après ça, on fait un mariage. Ah, oui, c'est le mariage. Après, est-ce que tout le monde se marie? Est-ce que tous les amoureux se marient? Non, fiance d'abord. Il y en a qui veulent pas. Il y en a qui veulent pas. Voilà, il y en a qui restent ensemble sans se marier. Certains se fiancent. Ils se fiancent. Oui, il y a une bague de mariée, là. Les fiançailles. Fiançailles, d'abord. Les bisous. Après, il y a le mariage, après, il y a la lune de miel. Ah, la lune de miel. À Paris. C'est à Paris, la lune de miel. Et après, il y a une noce. La noce. Bah, le mariage, c'est pareil que la noce. Hein? Et après, c'est un bébé. Des bisous. Quoi, avant les bisous. C'est bon, on clôture le sujet. Oui. Ok, eh ben allez, on va passer la chanson de Steven. Oui. C'était Obispo. Voilà la chanson de Steven. Allez. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il faut se verrouiller la mâchoire? Silence à genoux devant ceux qui gueulent plus fort que nous. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il faut laisser les clés de l'avenir aux arrogants oracles en attendant qu'ils fassent pour nous des miracles? Te hante les idées auxquelles tu tiens. Chante à tue-tête, à la face les puissants. N'aie pas peur de les rendre sourds, ils le sont depuis longtemps. Depuis toujours. Qu'est-ce qui nous fait croire qu'il faut abandonner l'espoir et nos ivresses? Et de Jaurès, regarde la foule qui tangue et danse comme un torrent qui roule. Mort au silence, faire du bruit ensemble est une force immense. Nos voix s'unissent te hantent, les idées auxquelles tu tiens. Chante à tue-tête, à la face les puissants. N'aie pas peur de les rendre sourds, ils le sont depuis longtemps. Depuis toujours. Depuis toujours. Chante contre les aboiements, les abus. Chante quand dans ta vie rien ne chante plus. Chante pour conjurer tes douleurs. Nos poumons ont tous la même couleur. Chante la rue, chante. Chante, allez, chante, à la face les puissants. N'aie pas peur de les rendre sourds, ils le sont depuis longtemps. Depuis toujours. Chante, allez, chante. Liberté. Liberté. T'écouter. Ah. Voilà, voilà, c'était la chanson de oui. Steve. Quoi? Steven, oui. C'était Pascal Obispo. Ouais. Donc une nouvelle chanson. Hein. Il a ressorti un CD, Pascal Obispo. C'est pas. C'est pas. Bon, apparemment, c'est une nouvelle. Hein. Mm. Bon, allez, on va faire une bref info. Alors, Christopher, qu'est-ce que ça va nous dire? J'ai vu aux infos que l'essence, il coûte cher maintenant. Zinedine, est-ce que c'est risible? Chez oiseaux. Les deux oiseaux. Est-ce que tu peux laisser finir, Christopher? Ouais. Voilà. J'ai vu que les prix sont augmentés de l'essence. Les prix ont augmenté? Oui. Ah. Alors, est-ce que toi, ça t'embête? Surtout pour les gens. Surtout pour les gens? Qui font beaucoup de kilomètres. Après, ils doivent payer plus cher. Ah oui. Ça leur coûtera plus cher. Bah oui. Bah oui. Ça pour remplir complètement la voiture. Oh. Bah oui. Ça leur paye. Cher. Comme toi, Corinne, si tu remplissais ta voiture, si tu faisais beaucoup de kilomètres. Bah après, t'es à pied. En vélo. Tu prends la moto. Oui. Déjà, toi, il faut le bouton. Est-ce que vous entendez à la maison vos parents qui en parlent non. De l'augmentation de l'essence? Non, non, elle a pas de voiture. Non. Ta maman, elle a pas de voiture, ok. Et vous? Oui. Ton papa, il en parle? Non. Bah oui ou non? Ça... Est-ce qu'il parle de l'augmentation de l'essence? Oui. Oui? Et toi, Timothée? Non. Non. Et toi, Steven? Non. Mais Camille? Non. Non. Et Marc? Non plus. Et toi, Corinne? Ben oui, oui, je me sens concernée, bien sûr. Alors, t'es trop faire des bidons d'essence et dernier de sa voiture. Mais après, je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai pas trop de kilomètres. C'est mais il y a des gens qui font beaucoup plus de kilomètres que moi tous les jours. Tu en parles avec ta famille de ça? Oui, oui. Eh, sûrement, peut-être bientôt va remplir 10 000 d'essence de côté. Bon, ça y est, l'essence, puisque vous n'avez pas de commentaires. Oui, Timothée. Attends. Attendez, il réfléchit. Laissez-le réfléchir. Attendez. Vas-y, Timothée. Quand on y va en vacances. Oui. Bah mon papa, il a mis à tout plein d'essence. Ah bah oui, puis il faut en remettre. Plus tu vas loin, plus il faut en remettre souvent. Et ça coûte cher. Ah oui, ça coûte. Ou ça, il fait des bidons d'essence. Bah tu les payes quand même, tes bidons d'essence. Pas grave, tu les mets de côté, comme ça t'as tout ce qu'il faut. Oui, mais l'essence, tu la payes quand même. Oui. Même si tu prends des bidons d'avance. Pas grave, tu les mets de côté, les bidons. Tu comprends pas. Si tu les payes. Bah oui, tu les payes. Donc... Qu'est-ce que ça change? T'as quand même des bidons de côté. Ils n'ont pas dit qu'il y avait pénurie d'essence. Hein. Pénurie. C'est l'essence qui augmente, c'est différent. Ah oui. Hein? Alors, est-ce que vous avez entendu d'autres infos? Quelque chose qui vous a... La radio aussi, on peut... Ah bah oui, bien sûr. Voilà, voilà, quoi, qu'est-ce que c'est que... Alors là, ça fait quelques semaines que vous n'êtes pas venu à la radio, et les seules infos que vous avez retenues, c'est l'augmentation de l'essence. Ça me revient maintenant. Ah, vas-y, Timothée. Quand on est allé en vacances... Oui. Bah, mon papa, il a mis tout plein d'essence. Tu l'as déjà dit, là, Timothée. Bon. Tu l'as dit juste avant. Alors, est-ce que vous avez... Là, je redis une deuxième fois parce que... T'as eu peur qu'on n'ait pas entendu? Non, c'est parce que j'ai fait une faute à ma phrase. Tu avais fait une faute à ta phrase? Oui. Alors, excuse-moi, Timothée, j'avais même pas fait attention, hein. C'était pas grave, hein, tu sais. Mm. Hein? Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres infos en 4 semaines? Vous entendez la radio, 2 tours ont été effondrées à Marseille. Ah oui, moi aussi j'ai entendu. Ah bah il y en a quand même qui regardent un peu ou qui écoutent. Hein. Oui. Moi j'ai regardé 2 tours s'est effondré. Oui. 2 bâtiments. Et puis l'autre, la troisième a été détruite pour question parce qu'à cause de la pluie. Oui, apparemment oui. Elle se serait fragilisée avec la pluie. Ça fait que ça. Et puis alors? Il y a eu un mort. Et ils ont trouvé la nuit 5 morts. Peut-être que tu ne sais pas. C'est grand. Bah, si les immeubles s'effondrent, ouais. Hein, où on va? Dans les blocs. Et puis, vous avez entendu d'autres choses? Ouais, moi. En fait, j'ai écouté, mais je ne me rappelle plus. Ah. J'ai des infos. Est-ce que vous avez entendu d'autres choses? Oui. Bon, on va dire en 4 semaines, voilà ce qui s'est passé. L'essence a augmenté, et puis 2 tours seront effondrées. C'est ça? Là, vous aussi. Des terroristes. Mardi soir, il y avait la musique sur la 10. Comme est-ce ça. Que c'est une info? Non, oui. Non. Sinon, j'en ai une. Samedi, s'il y a Music Awards. Parle devant le micro, Juliane. Samedi soir, il y a Energy Awards qui passe. Oui, ça, c'est les programmes télé, mais est-ce que vous avez des infos? C'est une info, ça. Oui, c'est une info, mais bon. Je m'attendais pas à des infos comme ça, tu vois. Sinon, j'ai regardé un film. Tu peux parler devant le micro, Juliana? J'ai regardé un film, et celui qui s'est brûlé, que c'était là. Que c'était la réalité. Ah oui, mais oui, t'en avais parlé. Vas-y, d'une dame qui s'est brûlée la main. Mais non. Vas-y, raconte-le, Juliana. Bon, c'était quand même à la télé. En fait, c'est un garçon. Il se faisait agresser à son école. Et puis un jour, il a mis fin. Un jour, il s'est brûlé tout son corps. Ah, c'est sur là, ça. Bah oui. Bah, on demande pas c'est sur quelle chaîne, Christophe. Tu parles du mec qui était obèse. Et puis après... C'est pas bon. Il était costaud? Non, il était obèse. Non, il était comme Paul, un peu costaud, oui, costaud, un peu rond. Comme ça. Oui. Illustré. Et après, ils l'ont mis dans un coma artificiel pour pas qu'il voie mal. Puis après, il s'est réveillé. Et puis après, il s'est réveillé. Et puis après ça, il y a eu un autre film. C'est le vrai qui parlait. Le vrai. Ah ouais. Fait ça. Ah, oui. Ok. Bon, vous avez d'autres infos? Moi, j'ai vu sur la télé. Oui. Tu sais, la cassette qui tue les gens, là. Tu connais pas? La quoi? C'est un film, là. T'as jamais vu? Un film? La cassette qui tue les gens. La cachette ou la cassette? C'est les vieilles cassettes qu'on met, là. Les cassettes vidéo, VHS, là? Oui, qui tue les gens. Oh. Une cassette qui tue les gens. C'est un film. C'était mardi soir. Une cassette qui tuait les gens. Tu connais pas? Non. Moi j'ai vu, ma mère elle a un dardé. C'était bien? C'était allé au lit, hein. Oui. Ah, bah tu dis j'ai vu, ma mère a regardé. J'ai entendu? Ah, tu as entendu? Ah oui. Okay. Toi t'as vu aussi? Non. Quoi? Bah, je sais pas, un film, une cassette qui tue. Oh, c'était un film. Avec les petites papettes. Et non, c'est pas des papettes. Ouais, bon. C'est tout? Oui. Ok. Donc on parle. Oui, Zinedine. Moi, il n'y a pas. Tu veux dire quoi? Oui. Oui. Attends. Bon, mon toto. Ah oui, mon égalus. Bon, on va peut-être faire le sujet suivant, Zinedine. Hein. On a parlé d'Halloween aussi. Hein. Est-ce que vous aviez fait Halloween? Bon, ça a été vite fait, hein, le tour de table. Alors, on commence par Christopher. Est-ce que tu as fait Halloween? Oui. Oui, bah raconte. C'est le bureau de tabac, une carotte bar, une épicerie. Après, je suis rentré, c'est moi. J'avais froid à la main. Alors, toi, tu déguises à Halloween et puis tu vas dans les magasins, toi, pour chercher des bonbons. Après, je suis rentré, c'est moi. Bah, on va chercher des bonbons où? Dans les maisons. Chez les gens, bah après, oui. Après, je suis rentré, j'avais trop froid. Donc, tu as été chercher un bonbon au bureau de tabac. À l'épicerie aussi. À l'épicerie. Ouais. J'ai eu que deux bonbons. Une clémentine et un caramel bar. Et mon voisin m'a donné des bonbons. Ah, ok. Mm. T'as pas été chez les gens. Non, pas envie. T'avais pas envie. T'avais peur. Non. Non. J'avais pas envie. J'avais pas envie. Et toi, Juliana, oui, tu peux parler devant le micro, Juliana. Oui, j'ai fait Halloween. Alors, raconte, Juliana. Bah, j'étais chez des gens. Oui. Alors, c'était où? À Raon-Bois ou à Remiremont? À Raon-Bois. À Raon-Bois. Alors, raconte. Je me suis déguisée en sorcière avec ma petite nièce. J'étais avec ma petite nièce, ma soeur et ma maman. Oui. Puis j'ai eu la moitié d'un sac. C'est bien. Ouais. C'est bien. Donc, pour Juliana, ça a bien marché, Halloween. Zinedine, est-ce que tu as fait Halloween? Ouais. Non, tu peux parler devant le micro. Moi, j'ai 6 bobos. Et moi, 6 bobos. Alors, Zinedine, pourquoi tu nous as dit lundi que tu n'avais pas fait Halloween et maintenant tu dis que tu l'as fait? Et Corinne? Non. Est-ce que tu es sortie dans la rue déguisée pour faire Halloween? Moi, il n'y a pas bon. Oui ou non? Non. Est-ce que tu es sortie de chez toi déguisée? Oui. Oui ou non? Oui, d'accord. Attends. Non, tu laisses le micro. Est-ce que tu as fait Halloween, Zinedine? Moi, moi, j'ai un bobo. Oui, mais le bonbon, c'est maman qui te l'a donné ou tu as été chez les gens? C'est maman des deux bobos. Voilà, donc c'est maman qui a donné, et donc c'est bien. C'est... Écoute-moi, c'est bien ce que tu as dit lundi. Zinedine, ouais. Tu n'as pas fait Halloween. Non. Ok. Timothée. Oh. Non, c'est Timothée. Non, j'ai pas fait Halloween parce qu'on n'avait pas les déguisements, on n'avait pas les maquillages. Voilà, c'est ce que tu as dit. Vous aviez pas de matériel, donc pas Halloween. Mm. Pas de bonbons. Voilà. Voilà. Et Steven? J'ai été toqué chez les gens. Oui. Tu étais déguisé en quoi, Steven? On écoute Steven. En vampire. Oui, voilà. Et puis, tu as été chez les gens. Est-ce que tu y es allé tout seul? Non. Si on a été tout seul. Ah, tu dis on. Alors ça veut dire que tu n'étais pas tout seul. Tu as été avec qui? Non, j'ai été tout seul. Ah, tu y es allé tout seul? Oui. Ok, puis alors? Est-ce que la récolte fut bonne? J'ai ramené 2 sacs de bonbons. Oh, allez donc. Et puis alors, est-ce que tu as partagé? J'ai partagé. Ah, tu as partagé. J'ai en piqué dans le lit. T'as fait quoi? J'en prenais pour dans mon lit. Bon, c'est pas bon hein, de manger des bonbons au lit. Hein. Tu sais, une fois que tu as brossé tes dents, il ne faut plus manger de bonbons. Hein. Pourquoi? Après, c'est des caries. La nuit, ça travaille. Et tiens, Camille, tu nous as pas dit? Est-ce que tu as fait Halloween? Non. Oh, bah alors. Et Marc, alors, il a fait Halloween? Non. J'aime pas trop les bonbons. Non, moi, j'ai pas fait Halloween non plus. T'osais pas? Alors, est-ce que ça se perd, ça? Non. Hein? Aux petits. Vous avez vu beaucoup de gens dans les rues? Les petits. Non. Les petits, tu en as vu? J'ai vu 2 grands et 2 petits. Ah oui? J'ai les plus petits qui font, sûrement. Et toi, Steven, t'as rencontré d'autres personnes? Oui. Oui? Ah oui, donc ça se fait encore. Mais peut-être que, Zinedine, tu laisses le micro. Peut-être que vous êtes déjà un peu trop grand. Oui, pour les petits 6 ans. C'est voilà, c'est bien d'accompagner les petits et tout ça, mais vous êtes peut-être un peu trop grand. Toi, tu as accompagné ta nièce, c'est bien, tu vois. Et voilà. Hein. Et Corinne, Zinedine, Zinedine a dit que ses parents avaient acheté un sac de bonbons. Il a dit un bonbon. Non, ils étaient là. Non, tout à l'heure, il a dit, l'autre fois, le lundi, il a dit que son papa il avait acheté un sac de bonbons. Ah, ben il l'a dit en aparté, alors, parce que moi, j'avais c'est entendu qu'il n'avait pas fait un Louis. Mais il a acheté 6 paquets. Oui, c'est ça, oui. Et il est resté là, c'est lui, comme ça, hop, 2 abdos de télé. Ouais, des gars qui lire. Hop, là, tes bonbons. T'as mangé tous les bonbons devant la télé. Oh, voilà. Ah, super. Après, t'as verre de limonade et du sirop dedans. Un coup de verre de bleu. Et après, il a dit, maman, donne-moi à manger. Allez, on va repasser une chanson avant de passer au dernier sujet. Alors, je sais pas, Marc, tu mets ce que tu veux. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und das sowas von sowas kommt. Voilà, c'était Nena, 99 Luftballon. Et attendez, j'ai une question. Est-ce que vous avez reconnu ou est-ce que vous savez en quelle langue chante Nena ? En anglais ? Français ? Ah non, c'était pas du français. D'une anglais. Non. En chinois, en espagnol. Bah non. On a dit en Espagne. C'est pour dire que vous avez écouté un peu quand même. Oui. En plus, il y a Juliana qui connaît la chanson, il y a Steven et il y a Camille. Alors, en quelle langue chante? Je sais pas ça, en espagnol. Ah non, c'était pas de l'espagnol. En anglais, en arabe. Non. En rap. En rap. En théâtre. En théâtre. Il y a une langue qui s'appelle théâtre. Juliana, c'est un pays qui est à côté de la France. L'Allemagne. À Paris. Voilà. L'Allemagne, yes. Elle chantait en allemand. Ah, pour ça, peut-être c'est une belle musique que tu aimes bien en allemand. Bon, voilà, bref. Ah, on connaît bien tes goûts, Corinne. Comment? Des vieilles musiques en allemand. On connaît tes goûts. Bah écoute, j'ai mis celle-là, oui, parce que voilà, c'est une ancienne chanson, mais en même temps, comme je vous ai dit juste avant... Toi, t'as pas choisi la musique. Chaque fois, je vous demande d'apporter des CD, de la musique. Sinon si on ramène pas de musique, Corinne a choisi la musique qu'elle veut. Maintenant, quand vous ramènerez rien, eh ben moi, je mets une chanson. Tant pis pour vous. Oui. Mais c'est que moi que je cherche. Alors toi Zinedine, c'est très embêtant c'est parce que tu n'as pas de CD chez toi, tu n'as rien. Tu peux aller sur Internet. Mais qui, moi, les besoins? Hey, Corinne, il peut aller sur Internet. Oui. Il a un ordi chez lui, il peut regarder. T'as pas d'ordinateur chez toi? Non. Ben non, il a pas d'ordinateur. Ton père, il a téléphone. Mais écoute, on mettra un mot à tes parents, Zinedine, hein, voir s'ils peuvent pas récupérer un CD avec de la musique dessus que tu aimes, pour qu'on puisse en passer à la radio. D'accord, Zinedine? Oui. Ben oui, ce serait bien. Oui. Et pas de musique du curé? Oh, de prêtres là, tu sais les prêtres qui sortent là. Ah oui, c'est quoi comme de quoi? La communion. C'est quoi comme chanson? Il dit allez Jésus. Pas de chant religieux, tu dis? Non, c'est qu'ils sortent de allez Jésus. Et puis il aura le droit de ramener s'il veut. Ah ouais, on va se taper la chanson des prêtres. Il a le droit de ramener s'il veut. Après, on va aller à l'église. Je ne sais pas, faudrait demander à Marc. Marc, si un jour il y en a un qui apporte un chant religieux. Ben oui, c'est bientôt Noël en plus. Voilà. En plus, Marc, il dit, vous voyez, il a bien fait de le dire parce que c'est bientôt Noël et la semaine hein, avant Noël. Moi, j'aimerais bien que si vous avez des chants de Noël chez vous, que vous puissiez en apporter moi, un. Moi, j'en ai pas. Qu'on passe des moi, chants j'ai de Noël. J'ai une chanson de Noël. Voilà. Et eh ben, je peux faire une chanson de Noël. Non, pas que tu la fasses, okay. Que tu en apportes une pour la passer à la radio. Mmh. Hein? Mais c'est tout ce qu'il faut à la radio, Marc. Sûr, il y a tout ce qu'il faut. Mais non, moi, je veux pas que vous comptiez sur Marc. C'est à vous d'apporter si vous avez... Mais j'en ai pas, moi, des chansons de Noël. On a juste décidé qu'il y ait de la musique. Moi, j'en mets en ce moment de la chanson de ma toque. Non, mais c'est pas la peine de mettre ta toque, Steven. Est-ce que tu as des chants de Noël? Oui. Ben voilà, donc tu pourras apporter. Hein? Oui. Voilà, donc la semaine... avant Noël. Je n'ai pas. Moi, je n'ai pas. Bon, on en reparlera, on n'y est pas. J'ai juste sur ma table, j'ai un chien de Noël. Mais bon, on va parler du dernier sujet, hein, d'accord? C'était quoi? Et en plus, vous y étiez tous. Ah, le séjour au Sauterain. Oui, au Sauterain. Voilà, donc on est parti. Combien de temps? 8 jours. Ah oui, il y en a 3 jours. 3 jours. De te nourrir. Bien, Zinedine. Non, on n'a pas fait. De dodo. Voilà, on a dormi. Oui, Zinedine, j'ai une note de dodo. De nuit. Ah, alors, Zinedine, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est bruit. Il faisait du bruit la nuit. Oui. Oh, Timothée. Timothée, il n'arrivait pas à dormir la nuit. Non. Ouais. C'est ça, Timothée. Oui. Il faisait la musique la nuit, il faisait dam dam dam dam dam dam dam dam. Le problème, tu vois, c'est que les autres, ils étaient pas trop contents parce qu'ils arrivaient pas à dormir. Bah, moi aussi, j'arrive pas à dormir. Bah oui, et puis nous aussi, quelque part, il a fallu qu'on se relève hein, parce que les autres râlaient. Toi, tu dormais pas. Ah, deux bonnes nuits. Si, moi et Camille, on a bien dormi. Ah bah, vous avez bien dormi, mais moi et Justine, un peu moins. C'est une nuit blanche. La dernière nuit, j'ai bien dormi. La première nuit. Et Corinne, ses parents de Timothée nous entendent. Vous savez, votre fils a fait un peu de bazar. Oui, oh, c'est vrai que t'as... Je te dis, t'as un sein. J'ai rien fait, moi, la nuit, j'ai dormi. Ah. Bon, à part les nuits, on va peut-être pas s'arrêter aux nuits. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? On a marché. Mais vous avez marché où? Dans sur les montagnes, sur les crêtes. Oui. Alors, escalade. Non, on n'a pas fait d'escalade. C'était de la randonnée, ok. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu peur? Timothée. Est-ce que tu t'appelles Timothée? Non. Bon, alors, moi. Ce serait bien que ce soit Timothée qui le dise. Alors, tu as eu peur de quoi, Timothée? Bah, j'ai peur des hauteurs. Tu as peur des hauteurs? Non, moi, et du marche. Vide aussi. Oui. Toi aussi, Steven, le non. Vide, t'étais pas trop à l'aise, hein? Non. De quoi? Un petit peu. Et moi, j'étais... Bon, alors, Timothée, alors, qu'est-ce qu'on a fait? Zinedine, tu lâches le micro, voilà. J'aime pas marcher à côté du micro. Comment il s'appelait le garçon qui Florian. Était avec... Florian. Alors qu'est-ce qu'il a fait avec toi, Florian? Il t'a donné la main. Timothée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rigolé? Il a mis la musique, il a dit... Chut, il a fait quoi? Il lui a tenu la main. Quand il a vu que tu avais peur, il a fait quoi? Tenu la main. Voilà, et puis il t'a aidé à passer les petits passages un peu... Et Corinne? Trop près du bord, trop près du vide, c'est ça? Oui. Et si Florian n'avait pas donné la main à Timothée, Timothée il aurait fait comme ça. Oui, et puis alors, qu'est-ce qu'il vous a montré aussi, Florian? Des vous n'avez pas fait que marcher. Des animaux. Attends. Des animaux. Le être. Oh, non, animaux. Attends. Le être. Des animaux. Le être. Voilà, les arbres. Le être, et puis... Les amois. Le Ozzy, il nous a montré le lac de Longemer et le lac des Corbeaux. Depuis le dessus, oui, ouais, ouais, ouais. Et puis, il y avait un truc particulier, hein, que vous avez tous reculé tellement... Oh, ah, des pattes. Ah. Oh. Il vous a montré différentes sortes de pattes. Des pattes de lièvre. De gibier. Qui alors, ceci. C'est, qu'est-ce qu'il y avait comme gibier? De lièvre. Le lièvre. Des chevreuil. Des pattes de... J'ai pas compris. Du sanglier. Et puis après, on a tous vomi. Qu'est-ce que tu dis, Camille? Bah, on n'entend pas, là. Hein. Tu veux dire quoi? Les pattes de chevreuil. Chevreuil. Chamois. Sanglier. Chamois. Moi, ça va. Et lièvre. Tu te rappelles, Zinedine? Ouais. Il n'y a pas... Oh ah oui, vous avez tous reculé en arrière hein, quand il a sorti Marc, ses pattes. J'ai une question. Vas-y. C'est vrai que le loup n'existe pas? Le loup qui n'existe pas. Ça existe, les loups? Oui. Si, le loup existe. Mais est-ce que c'est vrai qu'il ne mange pas les êtres humains? Non, non. Il mange des animaux. Voilà. Alors, moi, ma mère... Christopher, attends, je crois que Juliana, il faut remettre les choses à plat. Tu dis, est-ce que c'est vrai que le loup n'existe pas? Florian n'a jamais dit que le loup n'existait pas. Non, il disait qu'il mange. Je me rappelais, il disait qu'il mangeait pas les êtres humains. Oui, il avait raison. Il a dit tout ça, c'est des fables, des contes, mais non, il s'attaque pas à les humains. Moi, j'ai demandé à ma mère. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a dit, ta maman? Elle dit ça dépend des espèces de loups qui sont soit gentils, soit méchants. Oh. Ah, il y a des méchants et des gentils. Ah. Oui. Ma mère, elle a toujours raison. Oui. Tu vas appeler ma mère, tu vas voir qu'est-ce qu'elle dit. On verra quand on la verra, on reparlera de loups. Hein. Oui. Les loups, ils ont peur de nous. Hein. Non, ma mère l'a dit, ça dépend des espèces. Moi, je savais qu'ils ont peur de nous. Moi, j'ai pas peur des loups. Oui, hein. Bah oui, pourquoi ils iraient s'attaquer à nous? Ils ont mangé, ils ont à manger dans la forêt. C'est que dans. S'il y a plus de lapins. Ah, s'il y a plus de lapins, ils vont prendre quoi alors? Nous? Ils vont prendre Jenna. Je sais même pas s'ils s'embêtent trop avec les lapins. Hein. Ils visent du plus gros gibier. Oui. C'est que dans les films qui voient les loups attaquer les humains. Ma mère a dit que ça dépend des espèces. Ah, alors, puisque tu en as discuté avec ta maman, est-ce que tu peux nous parler des différentes sortes d'espèces? Non, Zinedine, tu laisses parler Christopher. Quelles sont les espèces de loups? Puis lesquelles sont gentilles, lesquelles sont méchantes? Non. Tu dis que tu en as parlé avec ta maman. Mais non, c'est juste bref. Oui, mais alors, est-ce que toi... Dans ton fort intérieur, est-ce que tu penses qu'il y a des loups gentils et des loups méchants? Oui, ça dépend, s'ils n'ont pas la race. Christopher, on reparlera des loups. Moi, on est assez loups. Toi, tu aimes bien les loups? Ouais. Ouais, moi j'adore ça. Moi j'adore les loups. Tiens, déguisé en lapin, on va te mettre dans la forêt, devant les loups, ils vont te sauter dessus. Beau, j'ai grand. Ah mais j'ai pieds de grand, j'ai peau de grand. Eh, j'ai dit, quand t'expliques les loups, ils tuent les moutons. Alors pourquoi pourquoi les loups s'attaquent aux moutons? Parce que les moutons, il y a de la viande. Tu veux bien avancer près du micro? Les moutons, ils ont de la viande. Et puis peut-être aussi parce que les loups ont de moins en moins d'espace dans les forêts. Pourquoi ils s'attaquent aux moutons? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour les tuer, non. Comment? Oui, faut bien qu'ils mangent, bien sûr. Et puis bon, ils en mangent pas tant que ça non plus, hein. Faut peut-être arrêter. Si, ils en mangent beaucoup, hein. Tu manges une vache par semaine, toi? Pour ça, on a le droit de tuer les loups. Comment? Pour ça, on a le droit de tuer les loups. Parce qu'ils tuent les moutons. Mais quoi, on a le droit de tuer? Pas vrai, Marc? Si, on a le droit de tuer, Marc. Non. Vous apprenez trop des moutons, là, on les tuer. Non. C'était un mauvais mot. C'est Nadouin. Oh, t'as toujours raison. Non. C'est ça que t'es en train de nous dire. Si on tue les loups, on va en prison. Oui. Si on attaque les moutons, on va les laisser faire. On va dire, ah, venez tuer tous mes moutons. Voilà. Est-ce que les loups, quand ils attaquent, ils déciment un troupeau? Non, qu'ils sont plusieurs. Bah, c'est sûr, il faut que tout le monde ait à manger, mais ils tuent peut-être quoi, un, deux, trois moutons. Ils tuent pas le troupeau, hein. Bon, alors, puis comme on dit, il faut que tout le monde vive. Hein. Ils ont des lapins dans la forêt, des lièvres. Ah oui, ils ont qu'à se contenter des lapins, des lièvres. Alors c'est des lièvres. Et puis s'il n'y a plus de lapins et de lièvres? Ils descendent. Bah, qu'est-ce qui reste comme animaux dans la forêt? Les bis, des cochons. Des cochons? Des cochons sauvages. Des sangliers. Oui. Donc ils ont quand même de quoi manger. C'est vraiment quand ils ont rien. Hein? Bon, alors là, vous avez parlé de ça, et sinon, alors, au sauterait. On a marre. On a bien mangé. Ouais, ah, bah, ça, j'attendais celle-là. Une bonne tartiflette. Du beau, ça, du beau. On a même mangé des croissants le matin. Ouais. Et puis, pour le goûter, on a eu des bons mangers. Ouais. Donc, vous pouvez dire que vous avez été bien nourris. C'était trop bon. Elle a fait gros yeux quand elle avait la nourriture. Elle a envie de retourner. Qui? Toi, Corée, t'as fait ça. Non, je crois que quand je faisais les gros yeux, c'est quand je te voyais manger, Christopher. Non, c'est une scie. Non. J'ai dit une histoire, ça fait 4 fois. On peut dire que vous aviez très bon appétit, mais peut-être parce que c'était bon. Ouais. Ouais. Toi, Corinne, t'as vu... Corinne, j'ai envie de retourner, moi. Ah oui, t'aimerais y retourner, toi? Oui, pour manger la tartiflette. Ouais. Alors, retourner pour manger... Des vaches alsaciennes. Non, pour marcher. Des vaches vosgiennes, quoi. La miam. Vous aimeriez y retourner alors pour marcher? Non, pour aussi les montagnes. Pour les montagnes. Pour marcher. J'étais tout près de la Bresse. Est-ce que vous étiez déjà allé, Zinedine, arrête de te balancer, aller aussi haut dans les montagnes? Non. Vous êtes pour crier dans les micros, hein. Personne n'était jamais allé sur les crêtes. Si. Non. Si, qui? C'est loin à Colo. Toi, t'étais déjà allé? C'est loin, ça. Ah bah oui, c'est où? C'est où? Ouais, c'est pas très loin. Si, si, si. Bon, attends, de Gérardmer les crêtes, c'est quand même pas très loin. Zinedine, D'abord, Zinedine, il avait du mal à grimper, il a fait... Ah bah Zinedine, au début, c'était dur, hein. Non. C'est vrai qu'il traînait à bouler. Mais il... parce qu'il a pas l'habitude de marcher. Ouais. Ah, il était comme ça. On s'en peut plus. Et toi? Non, ouais, j'étais content. Hein. Mais. Il a fait quoi ça? Arrêtez-vous, je vais boire un coup. Alors Zinedine, est-ce que tu y retournerais, toi? Ouais. Oui, tu aimerais retourner? Ouais. Alors pourquoi tu aimerais y retourner? Pour marcher, pour manger, pour dormir? Ouais. Non, tu n'as pas répondu. Pourquoi tu aimerais y retourner? Ouais, j'ai vu ça. Allez. Ouais. Pour marcher? Ouais. Alors j'aimerais que tu le dises dans le micro. Ouais, j'ai appelé ça marcher. Pour marcher, ouais. Oui. Manger, non, c'est pas important, ça. Mais Corinne, on dira si toi qui voudra encore marcher. Oui, et les autres, alors? Oui. Oui, pour marcher. Oui. Pour marcher, bien manger, et bien toi, dormir. Et toi, Timothée, est-ce qu'un séjour comme ça, ça t'a plu? Oui. Oui. Malgré que ça a été difficile... Avec je parle. Malgré qu'à certains moments, c'était difficile pour toi... Moi, je trouve que tu as été courageux, Timothée. Mmh. Hein? Ça, c'est bien. Et est-ce que tu fais des marches comme ça avec tes parents? Non. Jamais. Mais ils vont peut-être t'y emmener maintenant. Oh non. Papa, parce que j'ai trop peur du vide. Bah, tu l'as fait avec nous. Alors pourquoi tu le ferais pas avec tes parents, Timothée? Oh. Corinne? Oui. On pourra retourner avec tous les émeux. Non, ça coûterait trop cher. Oui, et puis ça fait trop de monde, Juliana. Eh, parce que ils ont pas beaucoup les moyens de payer. Christopher, t'es dans les finances de l'IME, toi? Pourquoi ça va y avoir de la tête, hein? Bah, alors, ils ont pas payé la dernière fois? Si, ils ont payé. Eh ben alors? Ça coûtait très cher. Qu'est-ce 4 000 que tu... euros. Qu'est-ce que tu te plains, là? Ils ont pas trop les moyens, l'IME. Mais ne t'occupe pas de ce que ça coûte, profite de ce qu'on te propose. Oh, ouais. Au revoir. Hein? Si on va à Paris, ça irait trop bien. À Paris? Non, mais c'est pas du tout le même genre de séjour, Christopher. Parce qu'à Paris, ça serait trop bien. C'est de la ville, là. C'est pas grave, à Paris, on s'amuserait trop bien. Alors, tu t'amuserais où? Bah, partout. On sur la visiterait, on prendra en photo. Oui, mais sur la tour Eiffel. C'est pour voir... T'as déjà vu la tour Eiffel? Ah, tiens, oui. T'as jamais vu... En vrai, non. Moi non plus. Toi non plus, t'es jamais allé à Paris? On est à faire à Prozé. Mais puis c'est un attentat à Paris quand on est là. Il n'y a plus d'attentat. Jamais. Zinedine, est-ce que tu es déjà là à Paris? Non. Camille? Oui. Et Steven? Elle est trop jolie. Ok, donc oui. Non, parce que c'est trop loin. Mmh. On va faire une feuille. Bah écoute, tu fais un projet, hein, puis tu le mets. C'est trop toi, loin, tu le donnes à Camille. Monsieur Ballon? Non, toi. Bon. Tu marques? Si, on va aller à Paris. Oh non! Pour voir la tour Eiffel? Oh non, pour se promener, visiter la ville. Non. J'ai là la peur des attentats. Et j'ai. C'est loin. Et puis s'il y a un attentat, tu... Vous entendez ce qu'il dit, Zinedine? Il a raison. Ouais. C'est loin. J'ai fait de crever. Hein? Ah bah, il y a quelques heures de train ou quelques heures de voiture. Hein, c'est pas tout près, oui. Et s'il y a un attentat à Paris, qu'est-ce qu'on fait quand on est là-bas? Ah oui, bah alors dans ce cas-là, tu sais, il faut rester chez toi, tu sors plus. Oui, hein? Il y a des filles de vin. Mais c'est sûr qu'il y a plus que de risques à Paris car on boit. Voilà. Hein? Mais c'est bon, il n'y a plus d'attentat. J'aimerais bien c'est qu'on refasse une sortie, c'est un repas parc. Non, Paris. Non, Paris. Bah ça, on verra peut-être à la fin de l'année avec le collège. À Paris, allez, à Paris. Non. Ah, c'est bien d'aller à Paris. Qu'est-ce qu'il y a, Zinedine? N'a pas allé. À part qu'il y a un attentat. Oh non, n'a pas allé. Attends. Pourquoi pas à Paris? Mais c'est nous, elle n'est pas née. Oui, toi, c'est le voyage. Mais t'aimes pas faire de la voiture, du train? Quoi? C'est quoi le train? T'as jamais pris le train? C'est quoi? Train. Il était avec nous quand on a fait la sortie au repas parc. Non. Ah non, il était avec toi. Le train. Ah oui, c'est trop bien le train. Ah oui. Oui, les bus, le train. Le TGV, tout ça, t'as jamais vu? Le bus? Oh là là, eh ben il y a des choses à faire alors, hein. Jusqu'à Paris. Ah, Zinedine. Et moi j'ai jamais pris l'avion. Moi j'ai déjà pris le train, pareil chez mon père. Moi aussi, on pourra prendre l'avion un jour. Oui, bah voyons. Non. Arrête. Après toi, il risque de vomir. Non. Moi ça me fait rien. Zigzag. On va faire ça, Oh Christopher, c'est bon tes commentaires. Ouais, comme écoutez, ça. Il va falloir rendre l'antenne parce qu'il est 57, hein. Juliana, ta chanson, on la passera la semaine prochaine. Oui. De toute façon, tu auras ta clé. Oui, c'est tout. Voilà. Mais correct. Vendredi, je ramènerai une musique. Oui, mais de toute façon, c'est pas toi la semaine prochaine. Oh, mince. Donc, on va remercier Marc de nous avoir accompagnés ce matin. Marc. On va pouvoir dire au revoir à nos auditeurs. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Au revoir. La petite Noé ne plus parler. Ka-Noé. La mi-ka-o, ma mi-ka-o. Ka-ka-o. La petite Ramel m'est infidèle. Ka-wa-mel. Monsieur Hannibal me mine le moral.